Pages arrachées à Sylvia Plath. Feuilleton en 5 épisodes proposé par Béatrice Leca. Une réalisation de Michel Sidoroff. Premier épisode. Lady Lazarus. I have done it again. 1 year in every 10, I manage it. A sort of walking miracle. My skin bright as a Nazi lampshade. My right foot a paperweight. My face a featureless fine Jew linen. Dame Lazar. Ça y est, je l'ai encore fait. Tous les 10 ans, c'est réglé. Je réussis. Comme un miracle ambulant, ma peau devient aussi lumineuse qu'un abat-jour nazi. Mon pied droit, un presse-papier. Mon visage, un délicat mouchoir juif. Ôtez-moi ce linge blanc, ô mon ennemi. Le nez, les orbites, la denture complète. N'est-ce pas parfaitement effroyable? L'aigreur de la laine aura disparu en une journée. Et très vite, la chair que le gouffre du tombeau avait dévorée se remettra d'elle-même en place, sur moi, femme souriante. Je n'ai que 30 ans, et comme les chats, je dois mourir 9 fois. Ceci est ma mort numéro 3. Quel saccage pour anéantir chaque décennie. Quelle multitude de filaments. La foule qui croque ses cacahuètes se bouscule pour me les voir enlever un à un. C'est le striptease intégral. Messieurs, mesdames, voici mes mains, voilà mes genoux. Si je n'ai que la peau et les os, je n'en suis pas moins véritable, la même femme. La première fois, j'avais 10 ans. C'était un accident. La deuxième fois, j'étais bien résolue à en finir, ne jamais revenir. Je me suis scellée comme un coquillage. Ils ont appelé, ils ont retiré les asticots gluants comme des perles. Mourir est un art, comme tout le reste. Je m'y révèle exceptionnellement douée. On dirait l'enfer tellement. On jurerait que c'est vrai. On pourrait croire que j'ai la vocation. Peut-être la fin est-elle déjà écrite. Peut-être peut-on commencer par la fin. Le 11 février 1963, Sylvia Plath prépare le petit déjeuner de ses 2 enfants, puis s'enferme dans la cuisine, calfeutre la porte, allume le gaz du four. Elle a 30 ans. Elle a publié un roman, La cloche de verre, un classique aux États-Unis qui a paru 1 mois avant sa mort sous pseudonyme. Elle a publié des nouvelles, des poèmes. Elle a travaillé sans relâche, affirmant dans son journal un souci de réussite littéraire sans vanité, plutôt avec la conscience d'une sorte de devoir vis-à-vis d'elle-même. Son journal a paru en français en 2011, incomplet, troué, mais habité des questions auxquelles son œuvre a donné des tentatives de réponse, avant que la mort ne l'interrompe ou ne l'achève. À l'été 1950, après avoir brillamment achevé sa dernière année de lycée, Sylvia travaille à Lookout Farm, à la cueillette des fraises. À 18 ans, c'est son premier emploi saisonnier, censé lui permettre de financer certaines dépenses à la veille de son entrée à l'université. Elle fait la connaissance d'Ilopi, un jeune artiste peintre originaire de Lettonie, qui a fait des études d'art à Munich. Elle rencontre aussi Émile, qui deviendra quelque temps son petit ami. De retour chez elle à Wellesley, Massachusetts, le double rebelle de la jeune fille américaine parfaite commence à se faire jour. Sylvia Plath aspire désormais à s'émanciper des valeurs et des attentes de son milieu. Elle s'interroge de plus en plus sur son propre désir. Wellesley, été 1950. Ce matin, je me suis fait arracher mes 2 dernières dents de sagesse. À 9h du matin, j'entrais dans le cabinet dentaire. Rapidement, avec le sentiment oppressant d'une catastrophe imminente, je me suis assise dans le fauteuil après avoir parcouru furtivement la pièce du regard pour repérer tout instrument de torture manifeste, roulette ou masque d'anesthésie. Rien de tel. Le dentiste a fixé le bavoir autour de mon cou. Je m'attendais presque à le voir m'enfoncer une pomme dans la bouche et me disposer des brins de persil sur la tête. Mais non. Il s'est contenté de me demander « Gaz ou Novocaïne ?»« Gaz ou Novocaïne ?»« Approchez, approchez, madame, nous avons tout ça en rayon. La mort par incendie ou noyade, par balle ou par nœud coulant. Tout pour satisfaire le client. » Gaz, ai-je dit avec assurance. Apparu subrepticement derrière moi, l'assistante m'a placé sur le nez une forme en caoutchouc ovale dont les tubes me rentraient agréablement dans la joue. Respirez tranquillement. Le gaz a commencé à passer. Sensation étrange et sucrée, écœurante. J'essayais de ne pas résister. Le dentiste a placé quelque chose dans ma bouche et je me suis mise à ingurgiter du gaz à grande lampée. J'avais jusque-là fixé la lampe. Elle a été prise de frémissements, puis de tremblements et s'est brisée en tout petits morceaux. Toute cette constellation de petits fragments iridescents s'est mise à former un arc qui se balançait en rythme, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Je respirais sans effort à présent. Il y avait quelque chose qui allait chercher l'air dans mes poumons et émettait un son étrange et rauque lorsque j'expirais. J'ai senti ma bouche sourire en se craquelant. Donc, ça se passait comme ça. C'était tellement facile, et personne n'avait pu me le dire. Avant de plonger, il fallait que je raconte cette expérience, que je l'écrive. Je me suis mise à imaginer que le bout de l'arc lumineux était ma main droite. Je pliais le bras, mais juste au moment où ma main se mettait en position, le balancier repartait de l'autre côté, de plus en plus fort. Très malin, me suis-je dit. Il ne vous laisse même pas décrire cette sensation par écrit afin de la garder secrète. Alors je me suis retrouvée sur un bateau de pirates. Et le visage du capitaine, derrière le gouvernail qu'il tournait, était penché au-dessus du mien. Il y avait des tourbillons de feuilles, noires, vertes, et il disait d'une voix forte « Tout va bien, c'est fini. Descendez doucement. » Le soleil est alors rentré brutalement dans la pièce à travers les stores. J'aspirais bruyamment l'air dans mes poumons. Je voyais mes pieds, mes bras. C'était moi, là. Je m'efforçais de réintégrer mon corps, mais mes pieds étaient si loin. J'ai voulu toucher ma tête. Mes mains tremblaient. C'était fini. Jusqu'à samedi prochain. J'éprouve parfois le sentiment d'attendre quelque chose qui serait là, presque à portée de compréhension, juste sous la surface, prêt à être saisi. C'est un supplice comparable au fait d'avoir un nom sur le bout de la langue. J'éprouve ce sentiment lorsque je pense aux êtres humains, lorsqu'on m'arrache des dents de sagesse et que cela me fait songer à l'évolution de l'espèce. La mâchoire étant devenue plus étroite de ne plus avoir à mâcher des nourritures si dures. Le corps humain de moins en moins poilu. Et l'œil de l'homme qui s'adapte à la finesse du caractère imprimé. au mouvement délié et coloré qui caractérise le XXe siècle. Me vient ce sentiment, vague et obscur, lorsque je réfléchis à l'adolescence prolongée de l'espèce. Les rites de la naissance, du mariage et de la mort, toutes ces cérémonies primitives et barbares qui ont survécu en s'affinant jusqu'à l'époque contemporaine. La pureté de la bestialité aveugle me semble presque préférable. Quand je médite ainsi, je sais qu'il y a là quelque chose qui m'attend. Un jour, peut-être, j'aurai une révélation, et je verrai l'autre côté de cette farce monumentale. Alors je pourrai rire. Alors je saurai ce que la vie signifie. En septembre 1950, dotée de plusieurs bourses, Sylvia Plath entre en première année à Smith College, à Northampton, dans l'ouest du Massachusetts. C'est l'un des collèges universitaires féminins les plus anciens et les plus réputés des États-Unis. Sylvia est hébergée dans la résidence Haven House, située dans Elm Street, où elle occupe une chambre individuelle sous les toits. Smith College, Northampton, 1950-1951. Bon Dieu, qui suis-je ? Je suis assise ce soir à la bibliothèque. Les lumières au plafond sont trop fortes. Le ventilateur brasse l'air bruyamment. Des filles partout, qui lisent des livres. Visage absorbé. Chair rose, blanche, jaune. Et moi, je suis assise là, sans identité. Sans visage. La tête me fait mal. Il faut lire de l'histoire, des siècles à comprendre avant d'aller dormir, des millions de vies à assimiler d'ici demain matin. Pourtant, je sais qu'à l'arrière de la maison, ma chambre est là, pleine de ma présence. Il y a mon rendez-vous galant de ce week-end. Quelqu'un qui me croit un être humain. Pas un nom seulement. Et voilà les seules indications du fait que je suis pleinement une personne, pas juste un nœud de nerf sans identité. Je suis perdue. Huxley aurait bien ri. Quel centre de conditionnement on a ici. Des centaines de visages penchés sur des livres, les ventilateurs qui tournent, marquant le tempo sur les bords de la pensée. C'est un cauchemar. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a qu'un mouvement continuel. Si je pose, si je tourne ma pensée vers l'intérieur, j'en deviens folle. Il y a tellement devant moi, et je suis tirée dans différentes directions, attirée, étirée, tendue vers des horizons trop distants, hors d'atteinte. Laisser tomber les tribus allemandes et un instant se reposer. Mais non, continuer, continuer, continuer, traverser les siècles d'empire, de déclin et de chute, allure rapide et incessante. Me reposerai-je jamais à nouveau sous la lumière solaire, dans la paix lente, langoureuse et dorée? Si je n'ai pas écrit dans ce journal depuis si longtemps, c'est en partie que je n'ai pas eu une seule pensée acceptable et cohérente. Mon esprit, pour utiliser une comparaison un peu écœurante par son évidence, est comme une corbeille pleine de vieux bouts de papier, de cheveux et de trognons de pommes pourries. Ça me déprime de découvrir ainsi tant d'autres vies, excitantes pour beaucoup d'entre elles et nouvelles dans mon champ d'expérience. Je passe à côté des gens. J'en effleure l'arête vive, et ça me gêne. Pour aimer vraiment les gens, profondément, pour les considérer comme des amis, il faut que je les admire. C'était le cas pour Anne. J'admirais son esprit, ses talents en équitation, son imagination alerte, toute chose qui en faisait ce qu'elle était. Je pouvais me reposer sur elle comme elle sur moi. Ensemble, nous pouvions tout affronter. Enfin, pas vraiment tout, sinon elle serait revenue. Mais elle est partie. Et je suis pour un temps dans l'affliction. Mais que sais-je du chagrin ? Personne n'est mort, ni n'a été torturé parmi les gens que j'aime. Je n'ai jamais manqué de nourriture, ni d'un lieu pour dormir. J'ai été dotée de 5 sens, et d'une apparence agréable. Je peux philosopher dans mon petit fauteuil bien confortable avec ses coussins. Je vis dans l'une des universités les plus éminentes des États-Unis, avec 2000 jeunes filles américaines particulièrement remarquables. De quoi puis-je me plaindre ? Pas de grand-chose. Si je veux me sentir fière de moi, je peux me dire que j'ai obtenu une bourse, que je suis ici par l'exercice de mon seul libre arbitre et parce que j'ai travaillé sans répit lors de mes années de collège. Mais en y réfléchissant, quelle était dans tout ça la part réelle du libre arbitre et celle des idées héritées de mes parents ? L'incitation familiale à faire des études et réussir sur le plan universitaire ? Ou bien la nécessité de trouver une autre solution puisque l'accès à la vie sociale des autres filles et garçons m'était refusé ? Et ce désir d'écrire, ne vient-il pas d'une tendance à l'introversion qui date de l'enfance et du monde enchanté de Mary Poppins et de Winnie the Pooh dans lequel j'ai grandi? Tout ça m'a probablement séparée de la plupart de mes compagnes de classe. Et aussi le fait que j'avais toujours les meilleures notes, que j'étais différente de la mêlée. En quoi, je ne sais pas exactement, mais différente. Comme l'animal qui rejoint son troupeau après avoir été touché par les mains des hommes. Je suis jalouse de ceux dont les pensées sont plus profondes que les miennes, qui écrivent mieux, dessinent mieux, sont meilleurs en ski, plus beaux, meilleurs en amour, et vivent mieux que moi. Je suis assise à mon bureau, à regarder par la fenêtre ce jour de janvier d'un éclat antiseptique, avec un vent glacial qui fouette le ciel pour en faire une écume blanc-bleu. J'aperçois Hopkins House, les arbres noirs et hirsutes. Je vois une petite fille à bicyclette sur la route grise. Je vois la lumière du soleil tracer une diagonale sur mon bureau, puis atteindre les bas que j'ai mis à sécher sur la tringle des rideaux et mettre des reflets irisés dans leur fil de nylon. Dire que je peux m'attribuer une quelconque valeur du simple fait que j'ai des nerfs optiques et essaie de transcrire ce qu'ils perçoivent. Quelle sottise. 15 juin 1951. Le proverbe dit que les chats ont 9 vies. Mais tu n'en as qu'une. Et quelque part sur le fil mince et ténu de ton existence se trouve le nœud noir, le caillot de sang. Le battement de cœur arrêté, qui signifie la fin de cette personne spécifique qui se nomme je, toi ou Sylvia. Alors tu te demandes ce qu'il faut faire et être. Tu t'interroges sur le choix des attitudes et des valeurs. Dans le désespoir et le relativisme, en attendant les bombes et que coule et dégouline devant tes propres yeux le sang, qui jaillit actuellement en Corée, en Allemagne, en Russie, tu te demandes avec un bref sentiment de peur intense comment faire pour s'accrocher à la terre, aux semences de l'herbe et de la vie. Tu t'interroges sur tes 18 années de vie et tu balances entre vouloir obstinément croire que tu as bien réussi par rapport à tes aptitudes et aux chances qui se sont présentées, car tu es à présent en compétition avec des filles qui ne viennent pas seulement de ta ville natale mais de tous les coins des États-Unis. Et puis, par ailleurs, craindre de ne pas avoir si bien réussi, en réalité. Tu te demandes si tu as les qualités nécessaires pour te créer des parcours d'obstacles et les franchir tous, chevilles foulées ou non. Et toujours le refrain, que reste-t-il de ces 18 années ? Et tu sais que même s'il reste effectivement des choses tangibles, tu ne pourras les retenir, et qu'elles aussi se décomposeront et te glisseront entre les doigts, dont la peau aura épaissi et qui auront la rigidité de la mort. Et tu pourriras dans la terre. Alors tu te dis à quoi bon ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Mais en fait, cela te fait quelque chose. Et en un sens, tu n'as pas envie de vivre une seule petite vie qui pourrait s'expédier en un minuscule sketch dactylographié. C'était le genre de fille qui... bouclait en 25 mots tout au plus. Tu veux connaître autant de vies que possible. Tu thésaurises depuis des temps reculés. Et à 18 ans, tu es encore vulnérable et manques de confiance en toi. Alors tu parles un peu effrontément, avec un petit air entendu, juste pour te dissimuler, que l'on ne puisse te taxer de sentimentalisme, de sensiblerie ou de stratégie féminine. Ainsi masqué, tu peux toujours rire de toi-même pendant qu'il en est encore temps. Ensuite, tu penses aux gens de chair et de sang que tu connais et te demandes avec un sentiment coupable où te mène ce grand courant de confiance en toi. C'est l'approche pragmatique. Quel but ? Quel résultat ? Mesure donc tes préceptes et leurs valeurs à l'aune du bénéfice tangible que tu retires de leur mise en application. Prenons les grands-parents, par exemple. Que sais-tu d'eux ? Bon, ils sont nés en Autriche. Ils disent « joli » pour « joli » et « vieux » pour « vieux ». Les cheveux blancs, d'une humeur incroyablement égale, papy est incroyablement vieux et terriblement touchant dans son admiration silencieuse et aveugle pour tout ce que tu fais. Qu'il soit régisseur d'un club sportif te remplit d'un orgueil amer de pharisienne. Mamie est pleine d'entrain, avec une poitrine grasse et forte, et des jambes arthritiques filiformes. Elle réussit très bien la sauce à la crème aigre et invente ses propres recettes. Elle fait du bruit en mangeant sa soupe, et des petits bouts de nourriture tombent de son assiette sur le devant de ses robes. Elle devient dure d'oreille, et ses cheveux commencent juste à grisonner. Ton père, qui est mort, est quelque part en toi, inséré dans le système cellulaire de ce corps allongé qui a germé de la rencontre entre l'une des cellules de son sperme et un œuf dans l'utérus de ta mère. Tu te rappelles que tu étais sa préférée quand tu étais petite et que tu inventais des danses à exécuter devant lui lorsqu'il était couché sur le canapé du salon après le dîner. Savoir si l'absence d'un homme plus âgé dans la maison a un rapport quelconque avec ton désir intense de compagnie masculine et avec ce plaisir d'entendre les tonalités basses et reposantes d'un groupe de garçons qui parlent et rient. Tu regrettes de ne pas avoir appris la botanique, la zoologie et les sciences dans ta jeunesse. Mais avec la mort de ton père, tu t'es tourné de manière anormale vers le côté littéraire de ta mère. Et quand tu cessais de parler, tu entendais avec effroi l'écho de sa voix, comme si elle avait parlé à ta place, et que tu n'aies pas été toi, mais une extension d'elle dans son sillage, et que ses expressions à elle aient surgi et poussé sur ton visage à nouveau. C'était Pages arrachées à Sylvia Plath, feuilleton en 5 épisodes proposé par Béatrice Leca, avec Élodie Hubert, Flora Brunier, Stéphanie Schwarzbrot, Nicolas Struve. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmond, Pierre Henry. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidorov.